Nawasalimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont connectés. Tunasalimia pia bantuku na badada beko na tufuata kule kumtandao. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Bwana Yesu Kristo. Recevez les bénédictions du Seigneur. Mupoke mabaraka ya Bwana. Levons-nous pour lire la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Romains au chapitre 3. Tufungule Warumi sura yake ya 3. Romains au chapitre 3. Tasoma Warumi sura 3. À partir du verset 9. Kuanzia mustari yake ya kenda. Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo wote. Ce matin nous nous humilions devant ta présence. Asubuhi ya leo tunanyenyekeza mbele ya uwepo wako. Premièrement pour te demander pardon. Kwanza ni juu kuomba usamaha. Nous sommes impurs devant ta face. Tuku batu bachafu mbele ya uso yako. Notre justice n'est qu'un vêtement souillé en ta présence. Uwaki wetu ikutuni vazi ya buchafu mbele yako. Si dans notre orgueil, kama mukiburi yetu, nous pouvons dire que nous sommes des hommes justes. Tunaweza kusema kwamba tuku batu benye yaki. Nous te ferons toi Dieu menteur. Tutakufanya we Mungu kuwa muongo. Tu es l'unique vrai. We peke yako ndio wa kweli. Parce que tu es la vérité. Ju wewe uko kweli. Seigneur, Bwana, ne nous juge pas selon ta justice. Usitukumu kufatana na uwaki yako. Ne considère pas notre orgueil. Ushangalie kiburi yetu. Parce que l'homme qui est né de la femme ne comprend absolument rien. Nous sommes des fous, c'est pourquoi nous agissons comme des insensés. Et nous péchons de plusieurs manières. Dans ta miséricorde yako, et dans ton amour, yako, pardonne chacun de nous. Guéris toutes nos maladies. Uponye magonja yetu yote. Nos maladies d'âme. Magonja ya kiro. Nos maladies de l'esprit. Magonja ya nafsi na kiro. Ainsi que nos maladies de la chair. Pamoja na magonja ya mwili. Seigneur, si nous sommes ici, Bwana, kama tuko hapa, c'est parce que nous comprenons que nous ne valons rien. Ni juu tunaelewa sema tunarabei. Nous venons auprès de toi pour chercher la perfection. Tunakuja mbele yako juu kutafuta ukamilifu. Aide-nous, Seigneur. Utusaidie, Bwana. Parce que si toi tu nous aides pas, kama wewe utusaidie, qui nous aidera? Nani mwingine atatusaidia? Le pasteur ne peut pas nous aider. Pastor hawezi kutusaidia. Le prédicateur ne peut pas nous aider. Mhubiri hawezi kutusaidia. Le prophète ne peut pas nous aider. Manabii hawezi kutusaidia. L'église ne peut pas nous aider. Kanisa nayo pia hawezi kutusaidia. Même notre propre prière ne peut pas nous aider. Hata maombi yetu wenyewe hayetu tusaidia. Mais notre foi est entièrement fondée sur le sang versé au bois du calvaire. Inayengwa kabisa kudamu ilivuja. Bien Seigneur, kuja Bwana. Sois miséricordieux envers nous. Utushikirie buluma. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Que les offrandes, les dîmes, Mache les dons, sadaka, les cantiques mimbo, que nous t'avons adressées, tulkutolea, que ça soit reçu comme une offrande de bon odeur. Ipokelewe sawa sadaka ya harufu njema. Mets sur notre langue comme ton serviteur l'a demandé. Uweke pa ulimi yetu paka vile mtumishi yako alikuomba. Paroles de grâce. Misemo ya neema. Du début à la fin. Mwanzo na mwisho. Sois honoré. Uheshimiwe. Que la bénédiction qui sera sur nous. Baraka ile takwa yulu yetu. Soit sur cette église. Ipate kwa yulu ya kanisa. Ainsi que sur tous les frères et les sœurs. Na zaidi yulu abantu kote na badata. Qui nous suivent en ligne à ce moment. Bale wanatufuata kumtandao. Merci Père. Asanti Baba. Sois avec nous. Uwe nasi. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Romains 3. Warumi sura yake ya tatu. Dans son verset 9, nous commençons par là. Mstari yake ya tisa tutanzia pale. Quoi donc? Nini basi? Sommes-nous plus excellents? Eti, tukubazuri zaidi? Nullement. Apana. Car kwani? Nous avons déjà prouvé que tous, tunesha kuonesha ya kwamba sisi wote, Juifs Wayunga, et Grecs, Wayunani, sont sous l'emprise du péché. Beko chini ya utawalo wa zambi. Selon qu'il est écrit, paka vile meandikwa, il n'y a point de juste. Ya kwamba kuna mwenye haki hata moja. Pas même un seul. Hakuna hata moya mwenye haki. Nul n'est intelligent. Hakuna hata moya wa akili. Nul ne cherche Dieu. Hakuna hata moya ule kuna mtafuta Mungu. Tous sont égarés. Bote baisha poteya. Tous sont pervertis. Na bote baisha arbika. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Hakuna hata moya ule kuna fanya mema. Pas même un seul. Hakuna hata moya. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. L'apôtre Paul nous enseigne. Mutume Paulo anatufundisha. Et nous montre clairement. Anatonesha wazi wazi. Que nous les hommes, nous ne sommes pas excellents. Ya kwamba sisi batu atuna bema. Que ça soit du côté des Juifs. Iwe ata kungambo ya Bayuda. Ce peuple que Dieu a aimé. Hii taifa Mungu alipenda. Ce peuple que Dieu a protégé contre toutes les nations. Hii taifa ile Mungu alikinga mbele ya mataifa yote. Ce peuple que Dieu a séparé de toutes les nations de la terre. Hii taifa Mungu alitenga toka mataifa yote hapa dunia. Il n'y a pas de gens corrects. Hakuna bantu bakunyoloka. Il n'y a aucune personne qui est juste. Hakuna mutu hata moya wa kunyoloka. Et quand Dieu regarde les Grecs, wakati Mungu akiangalia Bayunani, y compris toutes les nations de la terre, pamoja na mataifa yote hapa dunia, les Congolais, bakongomani, et toutes leurs tribus, na makabila yabo yote, il n'y a aucun homme qui est juste. Hakuna mutu hata moya wa kunyoloka. Dans toutes nos tribus. Muma kabila yetu yote. Tout le monde est sous l'emprise de démons. Bantu bote beko chini ya utawalo ya mademona. Qu'il soit président. Akuwe ata araisi. Qu'il soit un général, akuata jemadari, qu'il soit savant ou professeur de l'université, akuata mwalimu wa chuo kikuu, qu'il soit ingénieur, akuata mfundi, qu'il soit gouverneur ou ministre, akuata liwali wala ministre, qu'il soit un chef coutumier, akuata mkubwa wa muji. Sur toute la terre, pa dunia yote mzima, il n'existe aucun homme juste. Hakuna mutu hata moya mwenye kuwa wa waki. Toute la terre est remplie de pécheurs. Dunia yote iku chini ya utawalo ya zambi. Des hommes et des femmes, banamuke na banaume, qui ne sont pas intelligents. Basipokuwa na akili. Voilà ce que nous sommes. Aucune tribu ne peut se glorifier. Aucune nation ne peut se glorifier devant Dieu. Dans toutes les tribus, et parmi toutes les couleurs qui existent parmi les humains, on y trouve des prostituées. On y trouve des bandits. On y trouve des meurtriers. On y trouve toutes sortes de méchancetés. On y trouve les ivrognes. Donc, dans toutes les tribus, Balevi, muna kabila yote, tous, bote, sont pervertis. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Tout homme qui est né de la femme, le désir le plus profond de son cœur est de faire le mal. Qu'il soit prophète, qu'il soit un saint selon le monde, même s'il est saint selon Dieu, même s'il est saint selon Dieu, mais le fin fond de son cœur, c'est quelqu'un qui a un penchant vers le mal. Pourquoi? Parce que c'est un produit du péché. Nous tous qui sommes nés de l'homme et de la femme, nous sommes un mensonge. Nous sommes nés du mensonge. C'est pourquoi chacun de nous, il a un penchant vers le mal. Et il n'y a personne qu'on apprend à faire le péché. Le péché ne s'apprend pas. Le péché est en nous. Nous naissons avec le péché. Nous sommes une partie du péché. Donc nous sommes foncièrement mauvais. Tous. Juifs ou nations. Ou païens. Nous sommes foncièrement mauvais. Que Dieu vous bénisse. Je suis mauvais. Ma femme est mauvaise. Toi tu es mauvais. Ta femme est mauvaise. Tes enfants sont mauvais. Tout le monde. Vous voyez. Parce que nous sommes un produit du péché. Si chacun de nous comprend ça, et chacun de nous accepte cela, nous chercherons quelqu'un qui viendra nous sauver de ce gouffre. Parce que le péché c'est la mort. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur Jésus. Lui qui nous a vus dans cette situation irrécupérable. Son amour, sa miséricorde et dans sa grâce, volontairement, il décida d'abandonner le trône. Il décida d'abandonner sa gloire. Il abandonna son éternité. Il abandonna sa puissance. Il est devenu comme l'un de nous. Voyez, frère, pour nous sauver. Nous nous étions en bas, dans les fins fonds. Turukwa chini sana, mule chini kabisa. Il nous a pas jeté une corde de grâce, non. Ashikututumie mukamba jua kututosha hapa. Lui-même est descendu dans les fins fonds. Anakini yeye mnyarishuka mule mushimo. Et il prend un à un pour l'enlever de celui. Na kabeba kila mmoja kwa mmoja kwa kumtosha. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina ya Yesu Kristo isifiwe. Parce qu'il est le digne de gloire. Jua na staili sifa. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous continuons avec nos questions. Tukunaendelea na maulizo na majibu. Nous prenons la question. En réalité, c'est la question. En réalité, c'est la question 29. C'est la question qu'on avait sautée dimanche. Nous commençons par cela. Comme vous avez voulu que cela soit répondu aujourd'hui. Donc, en réalité, c'est ça la question 29. Nous lisons la question. Quels sont réellement les péchés qu'une personne remplie du Saint-Esprit peut commettre? Akika, ni zambi kani le mutu mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu anaweza kutenda? Afin que nous le connaissions. Ili tupate kuijua. Parce que vous nous prêchez toujours qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut pécher ou broncher. Anawezi kutenda zambi wala ukotola. Merci. Asante. C'est une question claire. Niulize kuwazi. Et je réponds à cette préoccupation. Na, niku najibia kuiangaiko. La première chose qu'il faut noter dans votre cœur, frères et sœurs. Kitu kya kwanza kile munapashi kushika, duku na dada. La première des choses que vous devez savoir. Kitu kya kwanza kile munapashi kujua. Mon frère, ma sœur. Duku yangu na dada yangu. Sachez, comme nous venons de le lire ici, upate kujua paka vile tunatoka mkuisoma hapa, que tout homme est pécheur. Ya kwamba mutu wote ni mutenda zambi. Tout homme est menteur. Mutu wote ni mudanganifu. Tout homme est faillible. Mutu wote ni wakukotola. Tout homme est faillible. Mutu wote ni wakukotola. Le seul qui n'a pas de péché, mumoja tu asipokuwa na zambi, le seul saint, mumoja tu mutakatifu, c'est Dieu, ni Mungu. Le seul juste, mumoja tu wauaki, c'est Dieu, ni Mungu peke yake. Le seul infaillible, mumoja tu asipokukotola, c'est Dieu, ni Mungu. Tout homme qui est né de l'homme et de la femme. Alakini mutu wote mwenye kuzaliwa tokea mwanaume na mwanamke. Qui qu'il soit. Hata akuwe nani. C'est un menteur. Ni mudanganifu. C'est un pécheur. Ni mutenda zambi. C'est infaillible. Ni wakukotola. Même aujourd'hui. Hata na leo. Qu'il soit Branham. Akuwa ta Branham. Frank. Akuwa ta Frank. Tous les prophètes que vous connaissez. Manabi bote bale munajua. Moi-même Ngoi qui se tient devant. Nami mwenye Ngoi mina shimama hapa. Tout le monde qu'il soit né de nouveau ou baptisé du Saint-Esprit. Akuwa ata mwenye kuzaliwa mara ya pili wala mwenye ubatizwa Roho Mtakatifu. Nous sommes des hommes faillibles. Tukubantu ya kukotola. Nous sommes tous des pécheurs. Shibote tukubatenda zambi. Et nous sommes tous des menteurs. Na shibote tukubadanganifu. L'église est avec moi. Eti kanisa munafuata. Que vous soyez né de nouveau, je reprends cela. Que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Que vous soyez pasteur. Ou ata pastori. Prophète. Nabi. Docteur, Mwalimu, évangéliste, apôtre, Mutume, qui que vous soyez, ata ukwe nani. Nous sommes faillibles, tuko bantu ya kukotona, nous sommes des menteurs, tuko badanganifu, nous sommes des pécheurs, na tuko batenda zambi. Asa kama bale benye mungu mbele alichakula, mais si tout cela que Dieu a choisi qui sont menteurs, ils sont faillibles, ils sont pécheurs. Que dire alors de tous ces gens du monde ici? Vous voyez. Monaona. Dans Ecclésiaste. Mubiri. Ecclésiaste 7. Mubiri surake asaba. Dans son verset 20. Mustari yake ya makumi mbili. Non. Apana. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Padunia muzima apana mtu hata moyo wa uwaki. Qui fasse le bien. Wa kufanya mema. Et qui ne pêche jamais. Wa shipa kutenda zambi anako. Non. Apana. Il n'y a point sur la terre. Padunia muzima hakuna. Point d'homme juste. Hakuna mtu hata moyo wa uwaki. Qui fasse le bien. Wa kutenda mema. Et qui ne pêche jamais. Na washipa kutenda zambi anako. Qui ne pêche jamais. Ule atenda ke zambi. Ah, ule atenda ke zambi anako. Mungu mwenye anasema anako. Dieu lui-même dit qu'il n'y en a pas. Joko maana bale bote. C'est pourquoi tout cela. Bakuabudu Branham. Qui adore Branham. Ni babi wele wele. Ce sont des insensés. Ni bajinga. Bakuabudu Kimbangu. Qui adore Kimbangu. Ce sont des idolâtres. Ni babudwai basanamu. Croyez frère. Unaona ntuku mpeni. Si tu kuna budu muntu moya, nous nous adorons une seule personne. Ule kukotola kuna ndani yake. Il ne branche jamais. Zambi aina ndani yake. Le péché n'est jamais en lui. Ule konejita. C'est lui qui s'appelle ukweli. La vérité. Il s'appelle la vérité. Jina lake ni ukweli. Je suis la vérité. Mimi ni ukweli. Ils ne sont pas deux. Abana bawidi. Il est l'unique vérité. Eko peke yake ukweli. Son nom. Jina lake. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. L'unique Dieu tout-puissant. Mungu peke yake wa uwezo wote. Et l'unique créateur. Mwumbaji peke yake. Des choses visibles. Na vitu akonekana. Et des choses invisibles. Na biasipo kuonekana. Wakuabudu Branham, celui qui adore Wakuabudu Mahomet, celui qui adore Mahomet, Kimbangu, qui adore Kimbangu, achana na ba mifumbe tu aba ba mukiwewe. Il n'est pas différent des devins que nous avons ici. Beko na budu bankishi, qui adore des statues. Na ma esprit ya ba nkambo yabo. Et les esprits de leurs aïeux. C'est vrai frère. Nikweli nduku. Et j'aime que vous remarquiez une chose ici. Mina penda mupate kuona kitu kimoya. La Bible ne dit mais ne parle même pas des pécheurs d'abord. Biblia hii. Des païens. Aiseme tu kwanza batenda zambi bapagano hapana. La Bible parle des justes. Mais Biblia Mungu yako naita sema mwenye yake comme Job. Hein? Dieu a appelé Job juste. Ah, Mungu alimuita Job mwenye yake. Bale yako nasemea hapa. C'est Aina ba pagano. Ce dont on parle, ce ne sont pas des païens. Ni bale mbele banesha kukubali uhaki ya Mungu. Ce sont ceux qui ont accepté la justice de Dieu. Na Mungu eko na baita seme ni benye haki. Et Dieu les appelle les justes. Mungu anasema, si Dieu dit, kubale benye banesha kuniamini. À ceux là qui croient à moi. Hakuna mwenye haki hata moya. Il n'y a aucun juste. Hatawezi kuendelea paka kufuana bintu bizuri. Il peut continuer à faire le bien. Bila kutenda nzambi. Anako. Sans commettre les péchés, il n'existe jamais. Dans Jacques au chapitre 5, Jacobo, chapitre 3, surat tatu. Jacques chapitre 3, Jacobo surat tatu. Dans son verset 2, Moussari apili. Dieu dit, nous branchons, nous tous, hein, nous branchons tous de plusieurs manières. Nous les, Paul y compris. L'homme qui avait reçu, qui avait vu Jésus dans la colonne de feu. Il a vu vis-à-vis. Cet homme ici, que Dieu avait mandaté pour instruire les païens dans la vérité. Un prophète Nabi qui avait le niveau de Moïse. Qui était en mesure de parler avec Dieu face à face. Il dit, nous-mêmes les croyants, nous-mêmes les apôtres, nous tous les chrétiens, nous branchons de plusieurs manières. Vous voyez, Paul n'était pas seulement né de nouveau. Pierre n'était pas seulement né de nouveau. Jacques n'était pas seulement né de nouveau. Mais ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient scellés du Saint-Esprit. Vous voyez. Et quand nous prenons Romains au chapitre 3, Romains au chapitre 3, verset 4, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mungu peke, Dieu seul, Dieu wa kweli, celui qui est vrai, na muntu yote, et tout homme, ni wa bongo, c'est un menteur. D'abord, quand vous avez seulement ce principe, kama tuku paka na hii kanuni, vous avez la réponse à la question du frère. Manake, unapata jibu, hui ulizo ya huyu ntuku wala dada. Maintenant, comme la question est posée, quelques péchés qu'un homme baptisé du Saint-Esprit peut faire. Notez ça. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut mentir. Il peut mentir sous pression des hommes. Mais il ne vit pas dans les mensonges. C'est-à-dire, la vie du mensonge n'est pas en lui. Maisha ya budangani fwa ina ndani yake. Parce qu'il en a été délivré. Vous voyez, unaona? Il peut mentir. Ce n'est pas sa vie. Alakini haina maisha yake. Mais le mensonge est lié à sa nature. Et ne l'oubliez jamais. La nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit habite des corps mortels. Vous voyez? La nouvelle naissance, c'est dans l'âme. Mais cette vie de Christ là habite dans un corps mortel, un corps de péché. Tu es sauvé dans ton âme, mais ton corps n'est pas encore sauvé, parce que le corps attend la délivrance, son salut au retour du Seigneur. L'Église est avec moi. Le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit habite ton cœur. Il habite dans ton corps. Mais le corps, lui, n'est pas encore sauvé. C'est là où vient les luttes entre le corps, entre l'âme et le corps. Vous voyez bien, mes frères. Vous avez été arraché du mensonge, mais vous vivez dans un corps de péché. Donc, un homme né de nouveau et un homme baptisé du Saint-Esprit peut mentir. Je vous donne un petit cas. Qui croit que Frère Branham était baptisé du Saint-Esprit? Mais Frère Branham avec le Saint-Esprit, quand il était dans l'affaire des impôts avec le parquet, tellement que les enquêteurs avaient fait pression sur Frère Branham, cela l'avait beaucoup embrouillé. Un jour, il venait de l'église. Il entre dans sa maison. Le téléphone de l'enquêteur, le mandataire là, sonne. Quand Meda lui dit que ce sont les gens du parquet, Meda kamwambia sani bantu akuparke beko nakuita ku telephone. Frère Branham lui dit, Duko Branham akamwambia, dites-lui que je ne suis pas là. Umwambia sema mimi shina ako. Et il s'est précipité pour sortir dehors. Naka arakisha kutoka nje. Et Meda, na Meda dit à l'homme du parquet, akamwambia ole mtu akuparke, que mon mari n'est pas là. Ya kwamba bwana yangu ana hapo. Après cette affaire, kisha ile mambo, Frère Branham est rentré dans la maison. Duko Branham akarudia mo nyumba. Meda lui dit que moi, dit chérie. Meda akamwambia mpendo wangu, est-ce que ce que tu as fait là est correct? Eti ibi unatoka mkufanya ni vya kunyoloka? Pourquoi tu m'as demandé de mentir? Frère Branham, comme un homme, il voulait se justifier. Il dit non, j'étais déjà dehors. Je dis non. Mais quand le téléphone a sonné, tu étais ici à l'intérieur. C'est toi qui m'as demandé de dire que tu étais dehors. Et tu n'étais pas là. Vous savez, les hommes veulent toujours se justifier devant leur mari, de leur femme, pour montrer qu'ils ont raison. Mais Frère Branham avait compris qu'il avait menti. Quelques minutes après, il y a un malade qui avait appelé. Maintenant, sasa, c'est son fils Joseph qui allait récupérer le téléphone. Quand il répond, il regarde, c'est quelqu'un qui lui ne connaît pas. Il regarde à son père. Papa, que je leur dise que tu n'es pas encore là. Cela avait brisé le cœur des frères. Vous voyez comment les mensonges peuvent détruire toute la maison. Et quand Frère Branham est allé pour prier pour un bébé, il est arrivé pour prier, il voulait imposer les mains, Dieu lui-même est descendu pour lui dire, tu es indigne, tu es un menteur, tu n'es pas digne de prier sur cet enfant. Frère Branham a laissé cet enfant-là. Il est sorti. Aritoka. Il a appelé le mandataire. Akaita ule mandataire. Il est allé à son bureau. Akaenda mu office yake. Pour se repentir. Juu ya kutubu. et dire ouvertement wazi que pardonne-moi, j'ai fait mentir ma femme. Quand tu as sonné là, j'étais dans la maison, mais quand elle m'a dit que c'était vous qui appelez, je lui ai dit de vous dire, de vous mentir, que je n'étais pas là, et je suis sorti précipitamment. Je demande sincèrement pardon. Je suis indigne. Et Dieu vient de me reprendre. Vous voyez? Lisez cette histoire, parce que c'est long, je ne saurais pas le lire ici. Écrivez cela. La délivrance totale. Paragraphe 60. Allez jusqu'à 72. Biographie de Frère Branham. À la page 268. À 272. Lisez cela dans le nom de Jésus. Au paragraphe 66. Et 67, allez lire cela. Et il est dit dans beaucoup de messages. Vous voyez, il a menti. Maintenant, ceux qui font des frères Branham et Dieu, ils ont un Dieu menteur. Vous voyez, je prends le deuxième cas qui se trouve dans Galates au chapitre 2. Qui sait que l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit? Qui connaît cela? Qui croit que Pierre était un homme rempli du Saint-Esprit? L'apôtre Pierre, le pasteur de Jérusalem, celui qui a reçu un mandat direct de Dieu lui-même, celui qui a mangé avec Jésus, il a marché avec Jésus. Voyez, il connaissait Jésus et dans la chair et dans l'esprit. Galates chapitre 2, dans son verset 11, allez jusqu'au verset 24. Voyez, Galates chapitre 2, Galatia sura 2, 11, allez jusqu'au verset 20. Je dis Galates chapitre 2, Galatia sura 2, à verset 11, Musare akumina moja, allez jusqu'au verset 14, s'il vous plaît. Munawezi kufika na 10 na 4. Mais lorsque Kephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des incirconcis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. En sorte que Barnabas, lui aussi, même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas naye akasukumwa mu bunafiki. En voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens ajudaïsés. Regardez le comportement de Pierre. Il ne savait pas quelle position à tenir. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire? Anze kufuala hypocrisie. Comment a manifesté l'hypocrisie? Voilà, on a fiki. Niju, il y avait deux situations. Djukurukwa mambo mbili. Il y avait les Juifs. Kurukwa bayuda. Qui s'en tenait à la loi de Moïse? Vale vali shika sheria ya Musa. Et qui sont venus à la foi. Et il y avait des païens qui s'en tenaient à la foi en Christ. Maintenant, pour ne pas choper les Juifs qui s'en tenaient à la loi. Quand les Juifs n'étaient pas là, Pierre mangeait avec les païens. Petro alikuwa nakula na wapagano. Dès qu'il voyait les Juifs, akisha tukona bayuda, il se tenait à l'écart. Ane panenda pembeni. Il faisait de l'hypocrisie. Alikuwa nafanya bunafiki. Et il avait entraîné Barnabas, na Barnabas, un prédicateur, mubili, na ya mufuati, et tous les autres qui étaient avec lui. Na bengine vale barikuwa pamoja na ye. Et quand Paul est venu, wakati Paulo alifika, il a vu comment Pierre se comportait. Aliona namna gani Petro alikuwa anajongoza. Il dit non, toi tu es répréhensible. Anasema wewe unastahili kukemea. Comment tu te plais de vivre dans l'hypocrisie? Je nini unafurahi kuishi mbunafiki. Vous voyez? Unaona? Il était sous pression. Quand tout tombe sous pression, même s'il est baptisé du Saint-Esprit, fait broncher. L'église est avec moi. Voilà notre apôtre Pierre. Il a usé de la dissimulation, de l'hypocrisie. Et pourtant, Il tenait de nouveau. Il avait expérimenté la sanctification. Il était rempli et scellé du Saint-Esprit. Il n'avait pas seulement l'onction du Saint-Esprit. Il avait le sceau du Saint-Esprit. Mais le voilà ici. Vive dans l'hypocrisie. Pourquoi? C'est la pression. Il ne savait pas prendre de décision. Quand on ne sait pas prendre une décision sur un problème donné, souvent on tombe dans le péché. C'est pourquoi Banam nous enseigne. Quand, pendant les moments de vote, quand quelqu'un dit non, il sait pourquoi il dit non. Quand quelqu'un dit oui, il sait pourquoi il dit oui. Mais la position la plus dangereuse et la plus mauvaise, c'est la neutralité. Souvent, les gens neutres finissent tomber toujours dans l'erreur. Ils ne savent pas quoi faire. Cette position l'a tourmenté. Pression y a juif. La pression des converti juifs. Converti au christianisme. Ben, qui l'a amené à l'hypocrisie. Mais regardez le comportement. Et de Frère Branham. Et de Paul. Et de Pierre. Na yandugu Branham, na ya Paulo. Quand ils furent repris. Ils se sont repentis sincèrement. Et vous ne verrez jamais dans la vie de Frère Branham tomber encore dans les mensonges comme il avait fait. Et vous ne verrez plus, après la réprimande de Paul, Paulo, Pierre agir comme il avait fait. Petro comme il le faisait. Vous voyez. Il y a un autre cas. Coucou, Mufano Ingiri. Notez cela. Muyandike. Un homme qui est baptisé du Saint-Esprit peut aussi désobéir à Dieu. Anawezi mukutokuti Mungu. Il peut désobéir. Anawezi ukosa kuti face à la pression. Mbele ya kumusonga. Mais il n'est pas désobéissant. Alakini yeye ana wakutokuti. Non. Apana. Ce sont les circonstances qui l'entourent. Ni mambo ile namufikia. Il ne sait pas que faire en tant qu'humain. Asijue kaye kufanya sawa mutu. Il désobéit. Jo pale atakosa kuti. Vous voyez. Unaona. Notez cela. Muyandike. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut désobéir à Dieu. Mutu mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu anawezi kukosa kumuti. Je donne le cas de Frère Branham. Naleta mfano ya ndugu Branham. Dans son voyage en Afrique du Sud. Musafari yake ya kwenda kwa Afrika ya Kusini. Prenons cela. Tuichugue. Dans le message écrivain, je ne vais pas tout lire. Mujumbe muandike sitasoma yote. Vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne lisez pas. Notez, vous allez les lire à la maison. Je vais seulement expliquer ce qu'il y a eu. Démonologie, domaine religieux. Paragraphe 5. Paragraphe 5. Et paragraphe 7. Biographie, paragraphe et page 195. Biographie 195. 199. L'histoire de ma vie. Adisi ya maisha yangu. Page. Kartasi. 33. Makumi tatu na tatu. 33. Makumi tatu na tatu. Le nom de Jésus. Maubiri jina la Yesu. Page et paragraphe 199. Nukta mia moja makumi tisa tisa. Et 102. Na mia moja na mbili. Qu'est-ce qu'il y a eu lors du voyage de Frère Branham? Nini ile rifanika wakati ya safari ya ndugu Branham? Frère Branham était dans un voyage missionnaire. Ndugu Branham alikuwa msafari ya kwenda kupasha habari njema. Il y a eu un groupe des organisateurs. Kulikuwa kundi ya wale walitengeneza. Ils avaient déjà arrangé l'itinéraire que Frère Branham devait passer. Barakobanesha utayarisha njia kani ndugu Branham ataenda. Et après avoir fait cela, il y a eu d'autres serviteurs. Kisha kufanya vile kukakuwa batumishi bengine. Qui avaient organisé une autre réunion quelque part dans une autre ville. Nabo baritayarisha mukusaniko mumuji ingine. Là, Dieu n'avait pas dit à Frère Branham d'y aller. Kule ndugu Branham Mungu asikumwambie kwenda kule kwingine hapana. Ces gens-là sont allés à l'insu de Frère Branham, ils avaient tout arrangé. Wale watu bakaenda bila kumjulisha ndugu Branham bakatengeneza yote. Maintenant ils sont venus dire à Frère Branham. Sasa bakakuja na kumwambia ndugu Branham qui devait aller dans cette ville pour prêcher. Anapasha aende mwile muji apate kwenda kubiri. Frère Branham avait résisté. Ndugu Branham alikangala. Mais les organisateurs lui avaient imposé cela en disant. Alakini wale walitayarisha wakamukazisha na kumwambia. On a déjà tout à arranger. Tunesha tengeneza biote. Il n'y a pas moyen que cette réunion-là soit annulé. Hakuna namna ile mkusaniko ikose kuu yako. C'est ainsi que l'homme de Dieu est obligé d'y aller à contre-cœur. Joko amana ile namna mtumishi wa Mungu alilazimisha kwenda bila yeye kutaka. Il est allé là. Alienda kule. Bien que Dieu lui avait dit de ne pas y aller. Hata vile Mungu alimkataza ashende kule. Il est arrivé, les âmes ont été sauvées. Il y a eu beaucoup de miracles qui s'étaient accomplis. Mais en retour, Dieu l'avait frappé. Dieu l'avait puni à cause de sa désobéissance. Il dit ceci. Il y a une vision que j'ai notée ici. Kuku ono moja naliandika hapa. Je veux vous ici que vous en bénéficiez. Mina penda mwe hapa mupate kuifaidia. Elle s'est produite en décembre 1952. Ilifanika mumwezi ya 12 mumwaka wa 1952. J'étais dans ma chambre un matin. Nikuwa mchumba wangu asubuhi fulani. Et là l'ange du Seigneur est entré. Na mule malaika wa Bwana aliingia. Et vous voyez. Munaona. Quand j'étais là-bas, wakati nalikuwa mule, j'ai désobéi à Dieu. Nilikosa kumutii Mungu. Et j'ai attrapé des amibes. Na nikashikwa na magonjwa ya maamibe. Et tout le monde sait que c'est les amibes. Matubote bana jua hii magonjwa ya mabibe ni nini? On a meurt presque. Bana kufaka hiyo. Et c'est parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Ni juu narifanya kitu kile Mungu alinikataza kufanya. Combien m'ont entendu raconter ça? Bangapi banesho nisikia niku naisema? Je pense il y en a certains d'entre vous ici. Na wazia kukuba moja katikati yetu hii. Je sais. Mina jua. Que ceux du tabernacle ont déjà entendu raconter ce qui s'était passé. Na wazia ba kanisa yangu banesho nisikia niku nasema ile. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit. Mungu aliniambia niende fasi fulani. Et de me tenir loin de tel endroit, d'aller à un autre endroit. Et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Bon, les prédicateurs, ce sont des gens formidables. Et ce sont mes frères. Mais écoutez ce que Dieu vous dit. C'est exact, vous voyez. Vous voyez. Maintenant, quand Frère Branham a fait ça, il a désobéi parce que Dieu lui avait dit clairement, n'allez pas à tel endroit. Vous voyez, allez à l'autre endroit. Mais sous pression des prédicateurs, lui est allé là-bas. Vous voyez, les miracles se sont produits. Mais c'était en dehors de la volonté de Dieu. Et l'onction avait quitté Frère Branham plusieurs années. Na upako Mungu alimshirikia Frère Branham. Dieu s'était irrité contre Frère Branham. Miaka mingi, il n'avait plus d'onction. Pendant beaucoup d'années, asikwe na upako. Na malari Mungu anampikia hapo. Et même la maladie s'en est suivi. Parce qu'il avait désobéi. Ni Dieu alikosa kumtii Mungu. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Vous voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Dans l'histoire de ma vie, Mumaubiri adisi ya maisha yangu. Page 32, 33. Kartasi ya makumi tatu na mbili, makumi tatu na tatu. Ici, vous verrez encore le cas de Frère Branham. Utaona tena mambo ilimfikia ndugu Branham. Sous pression de sa belle-mère. Savile mamake muko alimsonga. Il refusa d'aller dans les réunions pentecôtistes. Arikatala kwenda mumikusaniko ya bantu wa pentecôtistes. Alors que Dieu lui avait dit d'y aller. Japo Mungu alimwambia aende mule. Sa belle-mère était baptiste. Son beau-père était baptiste. Il ne coopérait pas avec les pentecôtistes. Pardon? Il ne coopérait pas avec les pentecôtistes. Les pentecôtistes semblaient être un nouveau mouvement par rapport aux baptistes. Et lorsque Frère Branham est venu dire à sa belle-mère qu'il prenait sa femme pour y aller, la belle-mère de Frère Branham avait catégoriquement refusé. Et Frère Branham, par respect de sa belle-mère, ne plus aller à cette réunion. Ashikwenda kete na kuile mkusaniko. Il avait désobéi encore à Dieu. Ari kosa tena kumutii Mungu mara ya pili. Et ici il dit ceci. Hapa iko nasema hivi. J'ai simplement laissé tomber. Allez lire cela à la maison. Miriacha tu ile mwende mwisome kumlango. Ile mambo ya kwenda kwa Pentecôte iliacha vile. Il a laissé tomber cette affaire d'aller dans la réunion de Pentecôte. C'est l'erreur la plus grave que j'ai commise de toute ma vie. L'une des plus graves. Ni mmoja ya makosa moyo ya mnene sana ya mbaya. Parce que sa femme lui dit, chérie, mke wake alimwambia mpendwa. Il lui a même répété cela le jour de sa mort. Alimwambia tena na siku ya kufa kwake. Et dit, tu as commis, tu sais l'erreur que nous avons commis. Duku na yua kosa tulifanya. C'est d'écouter maman. Ilikuwa ni kosa ya kumsikiliza mama, haikupashi kumsikiliza. Quand Dieu dit quelque chose, Mungu akisema kitu, écoutez ce que Dieu te dit, usikilize kile Mungu anakuambia, vous aurez la bénédiction. Utapata baraka. Quand vous registrez ce que Dieu a dit, kama ukikatala kile Mungu anakuambia, vous serez certainement frappé, hakika utapigwa, même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Hata kama unabatizwa Roho Mtakatifu, lakini Mungu atakupika. Vous voyez? Munaona? Et pourtant, il était baptisé du Saint-Esprit. Allez lire cela. Toute l'histoire, ça se trouve là-bas. Vous voyez, un homme qui a le Saint-Esprit peut se mettre en colère. Mais la colère n'est pas sa vie. Regardez dans Ephésiens chapitre 4. Nasameni mwa Efeso sura ya 4. Mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu atawezi kushirika. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut se mettre en colère. Bana anashirika sa mpagano. Ah, il s'est fâché comme un païen. Non. Mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu atawezi kushirika. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4 verset 26. Wa Efeso sura 4 makumi mbili na 6. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Kama ukishirika ushitoe. Que le soleil ne se couche pas. Jua ishanguke. Jua ishanguke na ukuacha mkasirani yako hapana. Paul est quoi indiqué à Ephésiens qui avait le Saint-Esprit. Paul écrivait aux Ephésiens, bale barkwa na Roho Mtakatifu. Parmi toutes les églises de la Bible, katikati ya makanisa yote ya Biblia, c'est l'église d'Éphèse qui était en perfection. Kanisa ya Efeso ndio ilikuwa katika ukamilifu. Lisez comment Paul les écrit. Musome na mna kani Paul alikuwa anabandiki. Mais il leur dit ici, anawaambia hapa kwamba si vous vous mettez en colère, Gambo, il peut y arriver que vous vous mettez en colère. Maintenant, s'il vous arrive, vous, en tant qu'un homme né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, de vous mettre en colère, arrangez cela avant d'aller vous coucher. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. N'allez pas vous coucher avec cette colère. Sinon, vous allez ouvrir une porte au diable. Voyez, un homme baptisé du Saint-Esprit peut se mettre en colère. Mais quand il se met en colère, il a aussi la possibilité d'arranger cela vite pour ne pas donner l'occasion à Satan de l'utiliser. Parce que le Saint-Esprit lui dira, comme Jacques le dit dans Jacques 1 verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand un homme baptisé du Saint-Esprit est fâché, avant qu'il ne se couche, il doit arranger cela, parce que le Saint-Esprit lui dit, votre colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Aitimize uwaki ya Mungu. Oui, bien aimé frère. Unaona ndugu mpendwa. Donc un homme en colère, un homme baptisé du Saint-Esprit peut se mettre en colère. Maana ke mtu mwenye batizwa Roho Mtakatifu anaweji kushirika. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Une personne qui a le Saint-Esprit mtu mwenye kwa na Roho Mtakatifu peut être peut-être entraîné anaweza kusukumwa agir ou apprécier une fausse chose wala kutenda kitu kibaya si apprécier une fausse chose ya kuhubiri kitu kibaya s'il ne prend pas garde à la parole de Dieu kama shisopoke kuteka et à l'écriture kuneno la Mungu on peut aussi influencer anaweza tena kumusukuma un homme qui est baptisé du Saint-Esprit kufuta mtu a mal agir ou même un prédicateur a prêché une fausse chose. Voyez, je donne le cas de Frère Franck. L'église est avec moi. Frère Franck, c'est un homme de Dieu. Né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Pendant un moment dans son église, sa propre femme, la première femme de Frère Franck, avait un don de prophétie. Il prophétisait des choses exactes qui ne rataient jamais. Et tout le monde le savait. Mais à un certain moment, Satan utilisa ses dons. De la femme de Frère Banan, de Frère Franck. Et dans une prophétie, il dit à Frère Franck qu'il devait ordonner les femmes prédicateurs. Qu'il ordonne les femmes à être prédicateurs. Et comme tout le monde savait qu'elle prophétisait des choses vraies, et Frère Franck a fait cette erreur. Il n'a pas considéré l'écriture. Et il ordonna un frère avec sa femme dans le ministère. Après qu'il ait fait, le Saint-Esprit est venu, Dieu est venu pour lui dire, mon serviteur, regarde dans la Bible. Avait déjà vu une femme ordonnée au ministère. Et quand Frère Banama regarde dans les écritures, et Frère Franck a regardé dans les écritures, mais il n'a pas vu cela. Akika, ashkuyone. Voyez, Mnaona? Et il s'est repenti de la chose. Na katubu juu ya ile kitu. Il est allé maintenant voir sa femme. Akaenda sasa kumuona mke wake. Pour dire à sa femme que tu m'as induit en erreur. Avec une fausse prophétie. Na matabiri ya bongo. Et c'est un mauvais esprit na ile ni pepo mchafu qui t'avait inspiré pour me dire que j'ordonne aux femmes au ministère. Et quand Frère Franck est allé voir sa femme pour qu'elle mette la chose en ordre, sa femme s'était mise en colère. C'est ça le conflit. Les anciens frères savent ça. C'est ce qui a été à la base du divorce entre Frère Franck et la première femme. Jo inyeri kwa musingi ya kuachana kwa nduku Frank na mke wake wa kwanza. Et un bras de fer s'était engagé. Ah, inakoma kokotano. Et la femme a pris la résolution dans toute la méchanceté de détruire le ministère de Frère Franck. Ya kuharibu utumishi ya nduku Frank. Elle a raconté des histoires. Elle a même entraîné les enfants de Frère Franck à être contre son père, à être contre leur père. Frère Franck a voulu seulement qu'on chasse cet esprit. Quand quelqu'un prophétise des mensonges, on doit l'amener ici devant l'église. Et il se répand. On lui impose les mains. Vous chassez cet esprit-là. Voilà comment on fait. Mais cette femme n'a pas voulu obtempérer. Elle est devenue opposante de Frère Franck. Et dans cet état d'esprit, elle est allée au parquet pour chercher le divorce. Elle a causé des torts à Frère Franck. Frère Franck lui-même en parle dans La lettre circulaire numéro 33, écrivez cela. Duku Franka naisema mubarua kia kuzunguka namba makumi tatu na tatu. Lettre circulaire numéro 33. Barua kuzunguka namba makumi tatu na tatu. Du janvier 1987. Ya janvier 1987. Vous commencez à la page 22. Mwanzi yo kartasi ya makumi mbili na mbili. Allez jusqu'à la page 27. Kufika na kartasi ya makumi mbili na saba. Mais je prends seulement quelque chose ici, à la page 23. Afin que tous comprennent pourquoi le Seigneur me fit ce terrible reproche. Il est nécessaire de donner ici quelques explications. Dans la prophétie du 5 juin 1976, il fut dit: voici, Tazama, ainsi parle le Seigneur, mon serviteur, en vérité, j'étais placé dans une grande œuvre et j'ai vu ta fidélité et ton travail. Et vois, aujourd'hui, consacre-moi, frère K, et sœur pour le ministère, car le temps est venu où ils doivent être installés. J'ai la prophétie, hein? Écoute la prophétie. Muntu yote washipo kukeba angi kumanjuko anasema ndio. Tout homme qui ne vérifie pas la parole de Dieu peut accepter. Mais regardez dans cette prophétie. Tazameni mui matabiri. Dieu ne peut pas appeler un frère là, il lui dit: place-moi frère tel. Mungu Jésus kuita frère kwamba uniweke frère fulani. Dieu appelle quelqu'un frère. Uniweke frère tel na sœur tel. Place-moi un frère tel et une sœur tel. Ça c'est parce que frère Franck n'avait pas veillé. Il a fait confiance à sa femme qui prophétisait toujours. Mais regardez comment la prophétie vient. Où elle arrive? Mon serviteur. En vérité, j'étais placé dans une grande œuvre. J'ai vu ta fidélité, ton travail. Regarde comment le diable. Ces paroles ici ne viennent pas de Dieu. Ce sont les paroles de Satan dans la bouche de sa femme. J'ai suivi cette instruction. C'est vrai, mon frère Franck dit. Et j'ai immédiatement consacré les couples sur place en leur imposant les mains. Comme la première partie de la prophétie correspondait à la vérité, j'ai donné dans les panneaux de la seconde. Pardon? J'ai donné dans les panneaux de la seconde. Ah, nikaitike ile ya pili. Vous voyez? Unaona? Quelle est la partie qui était vraie? Nikipande kani ilikuwa ya kweli. Mon serviteur, en vérité, j'étais placé pour une grande œuvre. Ça c'était la vérité. Mtumishi wangu katika ukweli na alikuweka mkazi mnene ilikuwa ni kweli. Est-ce que l'église vous suit? Est-ce que l'église vous suivait? Mubia ibi Biblia kaisema bia bon. Bien que bilitoka mukinyo ya shetani. Bia kweli humu ni nini? Ni ile mustari ya kwanza, ile ni ya kweli. C'est la première partie. Parce que réellement, hakika, Dieu avait placé frère Franck dans une grande œuvre. Mukazi munene. Sasa bia bongo ni bia wapi? Bia bongo ni consacre-moi, unitoleye, frère K, nduku kam, et sœur L, pour le ministère. Car le temps est venu où ils doivent être installés. Il est Dieu bia bongo. Voilà ce qui est mensonge. Vous voyez? Munaona? Même lorsqu'en 1978, le Seigneur me confirma, le Seigneur me fit remarquer, un samedi matin à 11h, d'une voix audible, que cette prophétie-là de sa femme n'était pas biblique. Je ne compris encore pas la situation tout entière. Je me trouvais dans mon bureau. Lorsque j'entendis soudain les paroles suivantes, mon serviteur sonde les actes des apôtres et regarde, aucun homme avec sa femme n'aurait jamais été consacré au ministère. Angalia ndani ya Biblia. Mu matendo ya mitume hakuna mtu hata mmoja ule ambaye ni Mungu ni ordonné bibi na bwana yake au ministère. Je me tourne à droite. J'ai pris ma Bible et je lis tous les dans les livres des apôtres. Nikasoma matendo ya mitume yote. Vous voyez, c'était un mensonge. Donc même un homme qui est baptisé du Saint-Esprit peut être entraîné dans une erreur. Vous voyez bien mes frères. Et frère Baname, c'est frère Franck s'est repenti de la chose. Donc une personne qui a le Saint-Esprit peut être entraînée dans une erreur, peut être entraînée dans une fausse doctrine, disons apprécier quelque chose de pas une fausse doctrine, apprécier quelque chose de faux. Vous voyez, sous l'influence ou pression des gens, vous voyez, mais il finira toujours par revenir à la raison. Un homme cinquièmement, un homme qui a le Saint-Esprit peut croire à une fausse chose par ignorance. Tout le monde, tout homme ne connaît pas toutes choses. Nous tous, nous connaissons toujours en partie. Vous voyez, quelqu'un peut croire une fausse chose dans son ignorance. Mais dès que la lumière de la vérité lui sera apportée, il va se redresser. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Il abandonnera ce qui est faux. Et ça te sera à la vérité. Un homme qui a le Saint-Esprit peut croire à une fausse chose par ignorance. L'église est avec moi. C'est le cas qui est arrivé à Frère Branham. Frère Branham, avant l'ouverture des seaux, il avait prêché sur le seau. Mais il avait prêché de fausses choses. Le cheval noir, le cheval blanc, qui est l'antichrist, lui l'avait considéré comme Jésus-Christ qui était un vainqueur. Vous voyez, c'était un mensonge. C'était avant l'ouverture des seaux. Donc, sur les enseignements, sur l'enseignement sur les seaux, Frère Branham avait prêché un mensonge. Branham arubira kambele kwanza kwanza uongo. Il avait taxé le cheval blanc. Arita sema u farasi mweupe. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Sawa Bwana Yesu Christ. Qui allait en vainqueur, en concurrent et en vainqueur. Ula rukwa naenda sawa mushindaji. Tandis que, en réalité, alakini katika ukweli, le cheval blanc, ule mupanda farasi, c'est l'antichrist. Wa mweupe ni mupinga Christo. Prenez cela, vous allez le lire chez vous à la maison. Mui chugwe na mutaisoma kumlango. Dans le premier saut, mu maubiri muri ya kwanza. Le premier saut, muri ya kwanza, tradition suisse, kugeuza kwa Suisse, paragraphe 28, nukta ya makumi mbili na mnane, à 30, kufika na kumi tatu, fête des trompettes, notez cela, makaramu ya maparapanda, muyandike, paragraphe 31, nukta makumi tatu na moja, et paragraphe 34, na nukta makumi tatu na ine. Maintenant, au moment où nous sommes entrés dans le sixième saut, l'agneau se tient ici ce soir. Je tiens le livre dans sa main. Et il tient le livre dans sa main et va commencer à le révéler. J'espère que vous êtes spirituel. Écoutez, j'aurais commis une erreur terrible à ce sujet si aujourd'hui vers midi Le Saint-Esprit n'était pas venu dans ma chambre pour corriger sur un point de ce que j'étais en train d'écrire pour la prédication de ce soir. Ah, kama Romu takatifa ainge aikikukuye jua kuninyolosha muile ndianza kuandika jua mahubiri nifache kufanya kosa. Kama Romu takatifu si le Saint Esprit akukuye leo mchumba yangu jua kuwezi kuninyolosha pour me corriger yulu ya nukta ile nilikuya nesha kuandika juu ya mahubiri ya kubiri mangaribi ya leo. La prédication de ce soir, il avait déjà noté quelque chose de faux et qui devait prêcher parce qu'il avait déjà prêché dans les jours passés. Le Saint-Esprit maintenant est venu pour lui dire non, non, ce n'est ça, ce que tu as écrit ici n'est pas la vérité. Continuons. J'étais en train d'étirer mon exposé d'anciennes notes. Nianza kubeba mahubiri yangu, manote ya zamani, manote ya zamani ya rubiri yaka qu'il avait prêché. Je n'avais rien sur ce sujet. Si ukwa na kitu yule ya ile mahubiri. Si ukwa na kitu na mwangaza yule ya ile kinu. Je n'avais pas de lumière à ce sujet. Je ne sais d'ailleurs rien du tout sur le sixième, sur le deuxième saut. Na mimi mwenyewe sijui kitu yule ya muhuri wa sita. Mais lakini, j'ai des notes. Si ce que j'ai dit, il y a quelques années, il est ni semaka, il y a quelques années, j'avais rassemblé ces notes d'après le livre de Dr. Smith. Nabile ni semaka, mumamanjiko ya Dr. Smith, un théologien. Ah, selon ce que j'avais lu dans les écritures, pour que tout le monde comprenne, il est ma note à frère Banam. Il avait trouvé que Dr. Smith disait la vérité. Dr. Smith, pendant que Smith avait écrit les mensonges, et lui aussi avait récupéré ces mensonges-là comme étant la vérité. D'après les livres du docteur Smith et d'autres grands érudits qui croyaient ces choses, c'est pourquoi je les avais notés. Je me disais, eh bien, je vais étudier cela à partir de ce point de vue. Kufuatana bile wao bari ubiri na bari anjika na mimi étudier nione cha kusema. Mais vers midi, le Saint-Esprit se glissa simplement dans la pièce et m'ouvrit le tout. Et voilà, le premier saut est ouvert. Aussi vrai que je me trouve ici ce soir, ce que je vais vous montrer ce soir est la vérité de l'évangile. Je le sais parce que si la révélation est contraire à la parole, ce n'est pas une révélation. Et vous savez qu'il y a des choses qui peuvent paraître absolument vraies et qui se passent ne le sont pas. Elles ont l'air vraies. Elles en ont l'air. Mais elles ne le sont pas. L'Église est avec moi. Voilà comment. Il y a des choses qui ont l'air d'être la vérité. Il y a des choses qui paraissent être la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et faut maintenant me suivre les livres qu'il avait déjà lu de d'autres théologiens. Il y a un théologien Bengi Narisoma. Et il pensait que c'était vrai, il a prêché ça. Il voulait récupérer les mêmes notes pour apporter parce qu'il n'avait pas de révélation. Mais le Saint-Esprit maintenant est venu pour lui dire sous l'inspiration, il y a ma note, il y a ma théologienne. Sous l'inspiration des théologiens, c'est la vérité maintenant est ici. Voyez. Et pourtant, il est né de nouveau. Il était baptisé du Saint-Esprit. Mais avant que Dieu ne l'ouvre ou ne lui donne la révélation, il avait prêché les mensonges. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit ce qui était juste. L'église est avec moi pour la fête des trompettes, aller lire cela à la maison. À un moment, une autre chose, à un moment, Frère Branham prêchait que l'évidence du Saint-Esprit était l'amour. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu pour le corriger. Dit non, non. Le Saint et l'amour, ce n'est pas ça l'évidence du Saint-Esprit. Notez cela. Vous allez le lire à la maison. Citerne crevassée. Citerne crevassée. Du 26 juillet 1964. Paragraphe 67 et 68. Question-réponse sur question-réponse numéro 2. Maulizo na majibu namba ya pili. Paragraphe 44. Nukta makumi ine na ine. J'ai dit. Mangaribu. J'ai dit. Nikasema. La preuve la plus parfaite à laquelle je puisse entrer est l'amour. Akikisho yayo ni mapendo. La preuve parfaite, la plus parfaite. Akikisho kamilifu zaidi. À laquelle je puisse penser. Ile narikuwa na zania. Est l'amour. Ni mapendo. Et nous continuons à parler de cela. Non, non, il a continué à parler, à prêcher que l'évidence du Saint-Esprit, c'est l'amour. Puis-je penser, cela avait l'air d'être vraiment très bien. Je retiens donc simplement ceci. Nikashika. Si un homme a l'amour, vous voyez. Kama mtu yuko na mapendo munaona. Alors il a le Saint-Esprit. Umbi, yuko na Roho Mtakatifu. Mais un jour. Anakini siku moja. Le Seigneur me redressa par une vision. Bwana kaninyolosha kupitia ono. Et il me dit que la preuve que les gens avaient l'esprit. Akaniambia hakikisho ya kuonesha samba watu walikuwa na Roho Mtakatifu. Et qu'il pouvait recevoir la parole. Ilikuwa ni ya kwamba watapokea neno. Non pas l'amour. Hapana mapendo. Ni le parler en langue. Wala kusema muruga. Mais recevoir la parole. Alakini watapokea neno la Mungu. Alors pale le docteur Lilvail. Mwalimu Lilvail. Mais dit que c'était scripturaire. Akaniambia sema ilikuwa. Car dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit sera sur vous, il vous révélera les choses, ces choses, et que je vous ai enseigné, et il vous montrera les choses à venir. C'est donc cela la véritable preuve du Saint-Esprit. Il ne m'a pas encore jamais rien dit de faux. Le Saint-Esprit, le Seigneur ne m'a jamais dit rien de faux. Voyez, c'est cela. La preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit est qu'il peut recevoir la parole. Il peut croire la parole. Il peut recevoir la parole. Le Saint-Esprit parle en langue, c'est vrai. Mais les démons parlent aussi en langue. Voyez bien, mes frères. Les gens de la science chrétienne. Ils prouvent beaucoup d'œuvres d'amour. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez, à un certain moment, il a prêché que le Saint-Esprit, la preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et cette pensée-là domine beaucoup de gens. Vous voyez, mais l'amour des Corinthiens dont la Bible dit c'est le Saint-Esprit. Mais l'amour elle-même, les fruits de l'amour. Tout le monde peut les imiter. Vous voyez bien, mes frères. Cela ne peut pas être l'amour. Vous voyez, frère. Et sixièmement, Satan peut utiliser même quelqu'un qui a le Saint, qui a un don. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui a un don. Satan peut utiliser. Vous voyez bien, mes frères. C'est pourquoi vous voyez, nous insistons toujours. Retournez toutes choses à la parole. Quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un prophétise, quand quelqu'un donne son témoignage, quand vous voulez vivre, juger la vie de quelqu'un, observez l'écriture. Satan peut imiter tout. Et Frère Branham disait, il a même la copie. Vous voyez, des dons. Des vrais dons. C'est pourquoi on ne se fie pas à toutes ces choses-là. Satan peut utiliser même quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Satan peut utiliser quelqu'un qui a le véritable don. Satan peut utiliser quelqu'un qui a le véritable ministère. C'est pour vous dire que Muntu atae kuna ministeri ya namna kani atawezi kubiri kintu kia bongo uwaye mekala lumière viendra itakuja, il va se redresser ata tengeneza. L'église est avec moi, notez cela muyandike. Dans question réponse numéro 2 mumaulizo na majibu namba ya pili, la question 292 ulizo 292 paragraphe à partir de 121. Prenez la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ du 5 décembre 1949 à la page au paragraphe 110. Écoutez comment Frère Branham dit ici. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici dedans peut vivre au-dessus du péché. En vivant piègement, vous commettrez des erreurs. Ata mukuishi na utawa, utafika paka mukutenda zambi. Vous finirez toujours par commettre. Mais le sang de Christ, Christ vous pardonnera. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi il est sur le trône. Il est un souverain sacrificateur. Même ce matin. Vous voyez. Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. La puissance même de Dieu. La même puissance de Christ. Qui était pendu sur la croix du calvaire. Le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. Vous voyez. Même vous qui avez le Saint-Esprit ce matin, vous pouvez vivre piègement, mais vous n'êtes pas exclu des erreurs. Vous voyez bien, mes frères. Mais quand la vérité de l'évangile vous est présentée, vous reconnaîtrez toujours la vérité. Vous n'allez pas persister dans les mensonges. Non, bien, mes frères et sœurs. Un homme qui a le Saint-Esprit, il sait reconnaître la vérité quand cette vérité lui est présente. Écoutez le conseil de Frère Branham dans question-réponse du 15 octobre 1961, paragraphe 250-251. On gagne un bien-aimé en restant loyal. C'est en restant loyal qu'on gagne les bien-aimés. Tenez-vous-en à vos convictions. Soyez sûr que vous êtes en ordre avec Dieu. Et puis restez là. Tenez simplement bon. Rien ne vous bougera de là. Si vous tenez simplement bon, eh bien, nous commettrons tous des erreurs. Vous voyez, même en restant loyal envers Dieu, nous commettrons tous des erreurs. Souvenez-vous-en simplement. Et lorsque vous vous regardez l'un à l'autre, ne regardez pas aux erreurs de l'autre. Vous voyez, ne faites pas cela. Parce que rappelez-vous, vous commettez aussi des erreurs. Mais regardez à Christ qui conduit cet homme. Et si elle a besoin d'aide, priez pour cette personne. Vous voyez, si une personne est dans l'erreur, priez pour lui, Dieu lui donnera la possibilité de revenir à la vérité. Mais nous tous, sans exception, peu importe notre loyauté, peu importe notre sainteté, nous commettrons toujours des erreurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, en répondant à cette question, en résumé, nous avons dit ceci. Un homme qui est baptisé du Saint-Esprit, un, il peut mentir. Deux, il peut vivre dans l'hypocrisie. Trois, il peut désobéir. Quatre, il peut se mettre en colère. Cinq, il peut être entraîné à agir ou à prêcher quelque chose de faux. 7, il peut croire à une fausse chose par ignorance. Vous voyez. Et 8, Satan peut utiliser n'importe quel don. Donc il peut utiliser la personne qui exerce n'importe quel don, n'importe quel ministère. Satan peut utiliser tout prédicateur. Voyez, d'Ephésiens 4:11, comme il peut aussi utiliser celui qui exerce l'un des neuf dons. Mais en toute chose, gardez la parole de Dieu. Veillez surtout à l'écriture. Ne croyez pas des choses qui sortent de l'écriture. Ne croyez pas aux écritures mal tordues. Parce que l'écriture est très malléable. C'est très facile d'interpréter mal l'écriture et la diriger dans la pensée de quelqu'un. C'est pourquoi il faut toujours gardez votre équilibre. Que Dieu vous bénisse pour cela. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Ça va. Je passe à la dernière question pour aujourd'hui. Ça va. Celle-ci, je la saute, elle est longue. Nous ne pouvons pas la épuiser. Ça sera pour mardi. Je prends la 30e question. Selon Jacques 5. Kufuatana na Yakobo sura yake ya 5. Prenons Jacques 5. Tuchugue Yakobo sura 5. Ça sera la dernière question. Itakuwa ni ulizo ya mwisho leo. selon Jacques 5. Ufuatana na Yakobo sura ya 5. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Eti mumoja katikati yenu eko mgonjwa? Qu'il appelle les anciens de l'église. Apate kuita wazee wa kanisa. Et que les anciens prient pour lui. Na wazee wapate kumuombea. En loignant l'huile au nom du Seigneur. Mukumpaka mafuta mujina ya Bwana. Le frère ou la sœur pose cette question. Nduku wala dada na uliza hii ulizo. Il dit ceci. Anasema hivi. Selon Jacques 5:14. Ufuatana na Yakobo 5:14. Si quelqu'un est malade. Kama mtu ni mgonjwa. Et qu'il va voir l'ancien ou appelle l'ancien. Na kienda kumuona mzee wala akimuita mzee. Selon l'écriture. Kufuatana na andiko. Maintenant. Sasa. C'est la personne qui est malade. Eti ni mtu mwenye kwa mgonjwa. Qui va demander à l'ancien de l'oindre d'huile. Jata muomba mzee apate kumpaka mafuta. Ou bien c'est l'ancien lui-même. Aoni mzee mwenyewe. Qui va le faire. Jata mpaka mafuta. Veuillez m'expliquer cette écriture. Unifasilie hii andiko. Selon les écritures. Kufuatana na maandiko. Est-ce que eti, cette huile-là, ile mafuta c'est ile. L'huile qu'on achète au marché, ni mafuta ya kununua mu, ou bien soko ao, c'est une onction spirituelle? Ao ni upako tu ya kiro. Donc, dans cette question, ulizo, il y a deux préoccupations. Mbili, le frère ou la sœur veut savoir. Wala dada napenda kujua, quand un malade wakati mugonjo, va voir l'ancien, anaenda kumuona mzee, ou il appelle l'ancien, pour la prière. Est-ce que c'est le malade qui doit demander à l'ancien de l'oindre, ou c'est l'ancien qui doit l'oindre sans même que le malade le demande? C'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, cette huile-là qu'on utilise comme onction pour le malade. Il est natumia jua kupaka bagonjwa. Et c'est une huile qu'on achète au marché. Eti ni mafuta ya kuuza musoko. Ou c'est spirituel. Ao ni ya kiro. C'est une onction spirituelle. C'est ça la question du frère. Ya kiro unifasilie. Je réponds à cette préoccupation. Niko najibia kuiulizo. L'écriture est claire. Andiko iko wazi. Avant d'arriver ici, mbele ya kufikia huku, l'utilisation de l'huile comme onction pour le malade. Kutumia mafuta juu ya kupaka wagonjwa n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Haikuanze mwagano jipya hapana. Depuis l'Ancien Testament, tangia agano la kale, l'huile a été utilisé mafuta bari tubia pour oindre le malade. Juu ya kupaka bagonjwa. Pas seulement oindre le malade. Apana tu kupaka bule bagonjwa. On oignait. Barwana paka mafuta. Le tabernacle. Maekalu. Les ustensiles du tabernacle. Na vyombo vya muekalu. L'autel du tabernacle. Wala na mazabu ya ekalu. On mettait même l'onction. Barwana paka ata mafuta. Sur les prophètes. Yulu ya manabi. On mettait même sur le roi. Barwana ipaka ata yulu ya afalme. Vous voyez. L'onction était utilisée. Upako barwana itumia. De plusieurs manières. Unamna kwa chana chana. Cette huile-là. Ile mafuta ile. Typifiait le Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit. Ilikuwa ni picha ya Roho Mtakatifu wala upako wa Roho Mtakatifu. Dans les cas échéants. Mui mambo ya hapa sasa. L'huile était utilisée. Mafuta barikuwa na itumia. Depuis l'Ancien Testament. Tangia agano la kale. Pour oindre le malade. Jua kupaka bagonjwa. En particulier. Kwa upeke. Dans le traitement de lépreux. Mutunzo ya ba ukoma. Lorsque vous lisez. Wakati mukisoma. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. Lévitique au chapitre 14. Lisez tous les chapitres. Walawi sura 14, musome sura 14 jusqu'au verset 32. Mstari wa kwanza kufika na mstari wa 32. Pour soigner les lépreux. Dieu a kuponya wa ukoma. Dans Lévitique 14, Walawi sura 14, verset 1 à 32, mstari wa kwanza hadi 32, l'huile d'onction était utilisée. Mafuta ya upako walikuwa naitumia. Quand nous prenons Exode au chapitre 30, tukichukua kutoka sura 30, Exode chapitre 30, kutoka sura 30, verset 22 à 25, mstari wa 22 hadi 25. Ici vous verrez la composition de l'huile. Mutaona mafuta vile la composition de l'huile. Ile ilitunga mafuta. C'était une huile d'onction. Ilikuwa ni mafuta ya upako. Qui venait de l'huile de qui venait de l'olive. Ilikuwa natokea ku mizeituni. Disons de l'olivier. Qui venait de l'olivier. Mizeituni. Ce qu'on utilisait. Nanjo ile walikuwa natumia. Je pense le frère et les sœurs qui étaient venus me rendre visite. Na wazia quand je suis revenu d'Israël. Wakati banduku walikuwa kunipokea pale na alitokea ku Israël. J'ai eu le temps de leur montrer l'huile d'onction qu'on utilisait. Na ribaonesha mafuta ya upako walikuwa natumia kule. Parce que j'étais dans l'usine où on fabriquait cette huile là. Na rienda mchapu mule weko na tunga ile mafuta. On fabrique cette huile là d'une manière naturelle. Weko na tunga ile mafuta mnamna ya asili. C'est une usine qu'on dirait artisanale. Manake ni chapu ya kutunga ku mikono où on extrait l'huile comme on le faisait au temps de Moïse, au temps de la Bible. Mule walikuwa natosha mafuta namna ile walikuwa naitosha wakati ya Musa. Et même cette huile là, je l'ai chez moi à la maison. Hata na ile mafuta yenyewe niko nayo nyumbani. Alors, on l'utilisait pour les épreuves. Walikuwa naitumia jua kupaka wa ça, mikoma. C'est dans l'Ancien Testament. Hii ni mwagano la kale. Au temps de Jésus, sasa mwakati ya Yesu, dans Marc au chapitre 6, Mumako sura ya sita, notez cela, miandike, Marc au chapitre 6, Marco sura ya sita, vous commencez au verset 6 à 13, mtanzia mstari ya sita hadi 13, mais moi je prends seulement le verset 13, ninachukua tu mstari ya 13, c'est au temps de Jésus, ni mwakati ya Yesu. Marc chapitre 6. Marco sura ya sita. Dans son verset 13. Mstari ya 13. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il partit. Wakaenda. Les apôtres partirent. Bamitume wakaenda. Et il prêchait la repentance. Na wakaubiri toba. Il chassait beaucoup de démons. Wakafukuza mapepo mchafu. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Na wakapaka mafuta wagonjwa mingi. Et les guérissait. Na wakawaponya. Vous voyez, munaona, même au temps des apôtres, hata mwakati wa mitume, et au temps de Jésus, na mwakati ya Yesu, l'huile d'onction mafuta ya upako était utilisée, walikuwa naitumia, pour le malade. Yulu ya bagonjwa. Et au temps des apôtres, c'est l'écriture de Jacques que nous avons lu. Dans Jacques 5, verset 14. Et elle est recommandée. Maintenant, pour ce qui est de la préoccupation du frère ou de la sœur, selon l'écriture de Jacques 5, 14, c'est l'ancien qui doit oindre le malade. Ni mzee ndio atampaka mafuta mgonjwa. Pourquoi? Dieu a dit. Le malade en appelant l'ancien ou les anciens. Mgonjwa mkuita mzee wala wazee. A déjà fait sa part. Mgonjwa anashafanya sehemu yake. Quelle est sa part? Sehemu yake ni nini? Il a manifesté sa foi. Anaonesha, anaonekanisha imani yake. C'est-à-dire, manake, il croit dans l'ancien ou dans les anciens. Anamwaminia mzee wala wazee. Et il croit à l'ordonnance que Dieu a déjà donnée. Na anaminia kuile amri Mungu alileta. Que celui qui est malade appelle les anciens. Aite wazee. Il est maintenant du devoir de l'ancien de prier pour le malade et de loindre l'huile. C'est tout. Il n'y a pas un problème. Vous voyez, ce n'est pas le malade qui doit demander. C'est l'ancien qui doit prier parce qu'il sait que le malade l'a déjà appelé. Mais il y a une chose fondamentale que vous devez retenir. La chose essentielle et fondamentale dans tous ces cas ici de maladie, c'est la foi du malade. Le malade ne doit pas utiliser cette écriture comme une écriture magique. Non. Il doit premièrement kwanza croire que si l'ancien priait pour lui, kimuombe, il sera guéri. Mais regardez la profondeur de cette écriture. Il y a des cas avant que l'ancien, suivez-moi très bien, il y a des cas de maladie avant que l'ancien ne prie pour vous, il est obligé de faire un entretien avec toi pour voir où est-ce que tu as péché. Est-ce que la maladie là qui est venue sur toi n'est-il pas une punition de Dieu? N'est pas lié à un péché quelconque? Et si dans l'entretien profond avec l'ancien, il découvre que tu as commis un péché, il va te conduire à la repentance avant de prier pour toi et de te wendre l'huile. Voilà pourquoi on va vers l'ancien. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas toute maladie qu'a un malade qu'on doit lui rendre. Aina kwa mgonjwa yote uliotapaka mafuta hapana. Ce sont des maladies qui résistent. Tu as prié. Des fois, on a prié pour toi. Tu es toujours malade. Tu approches maintenant l'ancien. Tu approches l'ancien. C'est pourquoi vous voyez. Remarquez cela. Prenons Jacques. Jacques 5. Jacobo sura ya 5. Regardez. Tazameni. Verset 15. Mstari ya 15. La prière de la foi sauvera le malade. Maombi ya imani. Et le Seigneur le relèvera. Maombi ya. Et s'il a commis des péchés. Vous voyez? S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Mukiri basi mazambi zenu wa moja kwa wengine. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous remarquez ici que Jacques met un accent sur le péché. Il dit, si confessez vos péchés, c'est le travail que l'ancien doit faire. Il doit conduire quelqu'un, le malade, à la repentance avant de prier. Cette écriture ici ne concerne pas tout le monde. Non, ça concerne seulement les croyants. Pour tout le monde, on utilise Marc 16. Marc 16 est suffisant. Mais pour nos membres, voyez, qui demeurent longtemps avec une maladie ou dans une certaine souffrance, on utilise cette écriture. L'église est avec moi. Pour résumer cette pensée, je dis ceci. Kama unenda kuona basé. Si vous allez consulter les anciens, juu ya magonjwa moya inakuangaisha sana mashiku ya mingi. Pour une maladie qui a fait longtemps, qui vous a tourmenté longtemps. Ao barikombea. Où on avait prié sur toi. Aushikie bien. Tu n'es pas toujours guéri. Pengine unakuwa mulinde de prière. Des fois tu viens sur la ligne de prière. Ao loma nduku moya anakombea. Où tu demandes à un frère. Aushikie bien. Et que tu n'es pas guéri. Maintenant, wakati unenda kuona baze. Lorsque tu vas consulter les anciens. Kaji ya baze ni kujua. Le travail des anciens c'est de contre. Ni kutafutisha kujua. Te rechercher juu ya nini magonjwa inakukawia na jusque leo hayatunzwa. Et jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas encore guéri. Ils doivent faire un entretien na wewe. Wanapaswa kufanya maongezi avec toi. Ni wakati mko naongea. Lorsque vous entendez. Njoo bazeba na chunguza maisha yako. Baone fuashi pale ulitokea mapenzi ya Mungu. Découvrir là où tu as. Kama wanavumbula fuashi ulitokea mapenzi ya Mungu. Découvrir là où tu as péché. Ils vont te conduire à la repentance. Atakusukuma upate kutubu. Et quand vous repentez. Ukisha kutubu. Ils prieront sur vous. Atakuombea. Ils vont vous rendre de l'huile. Ils vont demander pardon à Dieu pour toi. Atakuombea. Et ils vont demander la guérison. Na utapokea utunzo wala uponyaji. L'église est avec moi. Yetikanisa yuko pamoja nasi. Voilà ce qui se fait. Jo ile nafanika. Maintenant cette onction, cette huile ici. Sasa hii mafuta hiyo. Ce n'est pas une onction spirituelle, non? Aina upako ya kiroho hapana. C'est l'huile d'olive. Ni mafuta ya mizeituni. Qu'on utilise comme l'onction. Jo ile bako natumia sa mafuta ya upako. Et on s'en procure ici partout. Na utai pata fazi yote yote. Il ne faut pas aller en Israël pour chercher cela. Apana kuenda paka ku Israël kuitafuta apana. Mais si vous ne trouvez pas l'huile d'olive, kama aupate mafuta ya mizeituni, on peut utiliser même l'huile de Sarthe. Unaweza kutumia hata mafuta yetu ya Sarthe. Il n'y a pas un problème. Hakuna tatizo. Mais dans mon cas, alakini mui mambo, pour dans mon cas, mon mambo yangu mimi, et dans ma vision des Écritures, na mkuona kwangu kwa maandiko, comme j'aime rester plus près de l'Écriture, vile mimi napenda kuwa karibu sana na maandiko, j'utilise souvent l'huile d'olive. Niko natumia kila mara mafuta ya mizeituni. Parce que c'est l'huile qu'on utilisait depuis l'Ancien Testament. Jo mafuta bakwa natumia. C'est l'huile qu'on utilisait dans toute dans le Nouveau Testament. On utilise ça, il n'y a pas un problème. Mais si on n'a pas l'huile d'olive, on peut utiliser n'importe quelle huile. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Vous tous vous avez compris? Ok. Nous nous arrêtons ici. Nous continuerons mardi. Donc, le prédicateur ou les anciens peuvent aussi utiliser Marc 16. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez. Simple maladie quotidienne. On ne peut pas toujours utiliser l'huile. Utiliser Marc 16. Ça dépend aussi du discernement. Il unafatana na kutambua kwa roho. Kule mzee atakuwa nako. Mais quand vous sentez wakati ukiona qu'une maladie ya kwamba ou un démon résiste longtemps, magonjwa wala demona fulani, là ça demande un entretien avec l'ancien. Anza kuomba muongee na mzee. Et après cet entretien, na kisha kuongea naye, et on va prier pour vous. Na ndio watakuombea. On va vous rendre de l'huile. Na mukupaka mafuta. Mais si l'ancien trouve qu'il n'y a pas un péché quelque part dans votre vie, kama mzee akiona sema mu maisha kwa muna zangu, il va toujours prier pour vous. Atakuombea. kuombea tu. Et il va vous oindre. Na kisha atakupaka mafuta. Il n'y a pas un problème. Hakuna kibaya. Tout est conduit. Yote inaongoziwa. Par le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Mungu amibariki juu ya asubuhi ya leo. Levons-nous pour dire un mot de prière. Juu ya maombi. Si on peut nous chanter 193. Matutumie 193. Dans la vie chrétienne, Mumaisha ya Kikristo, en vivant saintement, Mukuishi katika mutakatifu, ou en vivant la vie sainte, wala mukuishi maisha utakaso, la vie sainte, maisha utakaso, nous évite beaucoup de maladies. Itatuepushia magonjwa mengi. La vie sainte maisha utakaso nous évite beaucoup de problèmes itatuepushia matatizo mingi et beaucoup de difficultés na magumu mingi. Et quand vous avez péché, wakati no kitenda zambi, soyez prêts pour se repentir. Uwe tayari juu ya kutubu. Un homme ou une femme qui résiste dans son péché longtemps et qui ne veut pas se repentir prouve qu'il n'est pas un fils de Dieu. La prière n'est pas une formule magique. Hein. Dieu agit selon sa parole. Respectez la parole en toutes choses et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous aide à marcher dans l'obéissance de sa parole, à ne pas désobéir, à ne pas pécher, à vivre dans la sainteté selon l'enseignement que nous avons reçu.